Légende, partie 1. Прослушайте текст и расскажите, какие мифические существа в нем упоминаются. Les légendes sont peuplées d'êtres fantastiques plus ou moins effrayants. En voici quelques-uns. Il y a peu de temps encore, les lutins de Saint-Malo s'amusaient à semer sur la plage des objets qui brillaient comme de l'or. Si on s'approchait, on ne voyait plus que de simples coquillages. Il est fréquent de rencontrer dans les dunes normandes le moine trompeur, un sinistre tricheur qui propose au promeneur de lui jouer son âme contre une cassette d'écu. À Carteret existe un être fantastique qu'on appelle le criard. La veille de quelques tempêtes, un homme dont personne n'a jamais vu le visage, enveloppé d'un manteau brun et monté sur le dos nu d'un cheval noir, parcourt les rochers en les emplissant de cris sinistres. Ni sable mouvant, ni varech glissant, ni fosse d'eau, ni pic de rocher n'arrêtent le vagabondage rapide de cet homme et de son cheval noir, dont les fers, rouges comme s'ils sortaient d'une forge infernale, ne s'éteignent pas dans l'eau qui grésille et fume longtemps encore après qu'il l'ait traversée.